Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, chapitre 1er, troisième paragraphe. La colombe de l'arche, l'arc-en-ciel. La colombe que Noé fit sortir de l'arche nous présente une figure frappante de la très sainte Vierge. La première fois qu'elle sortit, elle ne trouva pas où s'arrêter, les immondices qui couvraient la terre menaçaient de souiller sa blancheur. Elle sortit une seconde fois, et trouva un olivier sur lequel elle put se reposer, et dont elle enleva un léger rameau qu'elle rapporta à Noé. Venons-en à l'application. Le Seigneur, voyant toute la terre inondée par les iniquités qui la couvraient comme un déluge universel, voulut savoir s'il n'y avait pas sur toute sa surface un lieu qui eût échappé à ce débordement général, un cœur exempt de toute tache de péché. Il y envoya la blanche colombe, la Vierge Immaculée, qui, dès le premier instant de son existence, ne trouvant sur la terre que corruption, s'empressa de revoler vers son Dieu, du moins en esprit. Voilà une âme pure qui se soustrait à la teinte de toute souillure. Elle revient pour la seconde fois, et que trouve-t-elle de pur? Rien que son propre cœur, avec son innocence, accompagnée de cette pureté parfaite, elle se présente devant le trône de Dieu, et Dieu lui dit, s'il est permis de s'exprimer ainsi, il se trouve donc sur la terre un cœur tout à fait pur. Il y a donc où poser le pied, mon esprit pourra s'y construire une demeure digne de lui, allons-nous y reposer, que le décret de l'incarnation s'exécute, que le Verbe divin se revête de la nature humaine dans le sein virginal de Marie. J'ai dit autrefois, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme, parce qu'il est chair, Genèse 6, 3. Maintenant je dis, ma chair, c'est-à-dire la chair que je dois prendre, restera dans l'homme, parce qu'il est esprit, confer torniali, panegirico dell'annunziata. Et voilà que l'Esprit Saint couvre de son ombre cette blanche colombe, forme de sa substance un corps qui l'anime, et unit ce corps à la personne du Verbe. Le mystère de l'incarnation est accompli, les hommes sont sauvés. À qui rendrons-nous grâce de cet immense bienfait? À Dieu, sans doute avant tout, mais la reconnaissance que nous devons à Dieu n'exclut pas celle que nous pouvons témoigner à Marie, que dis-je, nous la lui devons aussi comme elle l'instrument de notre rédemption. Oui, ô aimable et pure colombe, ô Marie, oui, c'est vous qui, semblable à un olivier fécond, avait porté des fruits de vie, tandis que le reste des hommes ne produisait que des fruits de mort. C'est vous qui par votre pureté et votre beauté avez attiré sur le genre humain l'Esprit du Seigneur. C'est vous qui avez coopéré au dessein de Dieu touchant le salut et la réparation du monde. À vous donc, après Dieu, à vous, ô Marie, remerciements et actions de grâce. À vous honneur et gloire, dans tous les siècles des siècles. L'arc-en-ciel ne paraîtra pas moins symbolique. Le déluge a cessé, Dieu est réconcilié avec le genre humain, mais Noé est encore saisi de frayeur au souvenir du châtiment passé, et tremble pour l'avenir. Dieu daigne le fortifier en l'assurant que jamais plus un semblable fléau n'affligera le genre humain. Et voici, lui dit le Seigneur, le signe de l'alliance que je fais maintenant avec vous et avec votre race. Je placerai ce signe dans les nuages, ministre fidèle de ma vengeance. Quand ils sembleront menacés d'inonder toute la terre d'un nouveau déluge, l'arc-en-ciel brillera au milieu des nues, comme pour s'interposer en votre faveur, sa vue me rappellera ce pacte. Cet arc qui brillera au milieu des nuages sera, Je le répète, le signe de l'alliance que je fais présentement avec vous. Un auteur demande à ce sujet, pourquoi Dieu se plaît à mentionner, par deux fois, son arc-en-ciel, et chaque fois, pour ainsi dire, dans les mêmes termes, c'est, répondit-il, que ce signe d'alliance est en effet cher à Dieu, non pas tant en lui-même, mais plutôt à cause de l'objet infiniment plus excellent qu'il figurait. Quel est donc cet objet figuré par l'arc-en-ciel? Il n'y a pas de doute que l'arc-en-ciel ne figura Jésus-Christ, établi de Dieu comme signe de réconciliation, et qui, après sa passion, s'éleva au ciel afin de se présenter pour nous devant la face de Dieu, Hébreux 9, 24. Toujours vivant pour intercéder en notre faveur, Romains 7, 23. Nul doute à cet égard, si tout ce qu'on lit dans l'Écriture sainte a trait à Jésus-Christ, nous admettrons sans peine que l'arc-en-ciel, dont nous parlons, s'y rapporte comme le reste. Néanmoins, qu'est-ce qui nous empêche de voir aussi Marie figurée dans cet arc, d'une manière secondaire à la vérité, mais pour ainsi dire de concert avec Jésus-Christ, notre médiateur de paix? C'est le sentiment formel de Saint Bonaventure qui appelle Marie, l'arc-en-ciel de l'alliance et de la réconciliation de Dieu avec nous. Et qu'y a-t-il dans la figure qui ne cadre avec Marie? Ô combien de fois, comme nous l'apprend l'histoire ecclésiastique, Dieu voyant la terre inondée de corruption et d'iniquité aurait voulu décharger sur elle sa juste vengeance. Mais Marie s'interpose, et elle obtient un pardon, ou au moins un délai du châtiment. Combien de fois de misérables pécheurs auraient éprouvé le poids de la colère de Dieu, si Marie ne se fût établie médiatrice en leur faveur? Ainsi Marie empêche par sa médiation, par ses prières, le cours des vengeances divines, psaume 105, 30. Elle paraît, elle fait signe, et le calme se rétablit, si quelqu'un pouvait douter de cette vérité, certes, ce ne sera jamais moi, qui ai trop bien expérimenté les effets de la protection de Marie et l'efficacité dont elle jouit pour apaiser la colère de Dieu. Au nom, mère et avocate des pauvres pécheurs, si quelqu'un refuse de vous reconnaître pour tel, je ne pourrai l'imiter sans me rendre coupable de la plus noire ingratitude, en méconnaissant les bienfaits que j'ai reçus de vous. Ô ma bonne mère, arc brillant, arc de paix, vous vous êtes montré à propos, alors que Dieu dans sa justice était indigné contre moi, votre présence, votre intercession a suffi pour apaiser sa colère. C'est donc à vous que je dois la vie avec l'espérance que je nourris dans mon cœur d'être un jour admis dans le ciel, pour jouir de la vue de Dieu, et lui rendre, ainsi qu'à vous, de justes actions de grâce pendant toute l'éternité. Markemdanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.